T'as reconnu le style ? Hmm ? T'as reconnu le style, sorti tout droit de Paname. J'ai repêché le cadavre du hip-hop dans le canal. J'écris des foncés à la liqueur de banane. J'rentre à la baraque, ma femme ne reconnaît plus, j'm'endors sur le canap. Organisé comme la mafia de Calabre, ils disent de moi, fais gaffe avec des rimes, ce gars-là t'es pas là. J'travaille la nuit dans des palaces, quand le patron n'est pas là, j'me barre plein de billets d'euros dans mes poches extra larges. J'arrive en dépannage, vu que le rap régresse, comme un mec qui passe du braquage au vol à l'étalage. Il me faut le fric de Dallas, une basse, un violon, avec tout ça, j'te fais le hit de ta life. Quand je rappe c'est la violence, les amateurs se grattent les veines comme les drogués aux abords de la Hollande. Eh, voilà du rap, les amateurs s'y retrouvent. Mon album est à la Fnac, si t'as pas trouvé t'y retournes. Qu'est-ce que c'est? C'est du rap, du vrai. Laisse le faire, c'est du rare, tu trouveras pas plus frais. Il a la tête dure et des textes durables. Voilà de l'air pur, c'est ce qu'on appelle du rap. Qu'est-ce que c'est? C'est du rap, du vrai. Laisse le faire, c'est du rare, tu trouveras pas plus frais. Il a la tête dure et des textes durables. Voilà de l'air pur, c'est ce qu'on appelle du rap. La plupart se la racontent, genre dealer drogue. Te dénigre, mais je suis ni leur ennemi ni leur pote. J'étudie leur code, j'ai saisi leur code. Disent qu'ils sont chargés, mais y'a rien quand tu vides leur coffre. J'suis de speed comme le sprinter boy. Et j'ai les idées carrées comme un beater boy. Les flics tiquent leur col. Les victimes marchent vite car ils ont peur que les petits dissipent leurs poches. Ils étudient pour aider killer prod. Ce sont des mauvais élèves, dis-moi c'est qui leur prof. J'vous réserve des surprises comme Kinder Boss. Vous êtes des tortues et j'suis votre boss comme Splinter. J'porte le message et mes rimes grillent leur poste. Pendant que mentent et baissent jusqu'à la cheville leur froc. Ils ont la haine et je vois pas ce qui me reproche. Peut-être parce que je vois les choses en grand comme Peter Crouch. Qu'est-ce que c'est? C'est du rap, du vrai. Laisse le faire, c'est du rare, tu trouveras pas plus frais. Il a la tête dure et des textes durables. Voilà de l'air pur, c'est ce qu'on appelle du rap. Qu'est-ce que c'est? C'est du rap, du vrai. Laisse le faire, c'est du rare, tu trouveras pas plus frais. Il a la tête dure et des textes durables. Voilà de l'air pur, c'est ce qu'on appelle du rap. Aujourd'hui la bif est pas le moine. Je me fous de ton style de fringue. Mon son dans ta caisse est essentiel comme le liquide de frein. Les flics te mettent les bracelets si tu bicraves de l'air. Bah 6h les ch'tards te lèvent, t'emmènes au poste à Gare de l'Est. Quand je rappe les bras se lèvent et les mecs bougent la tête. La plupart des meufs ont dans la bouche un arrière-goût de latex. Un conseil, tous tes conseils, garde-les. Ferme-la si ton rap ne vaut pas le prix d'un pack de lait. Ta meuf a laissé sur mon bout ses traces de lèvres. Les connaisseurs ne t'écoutent pas, seuls les trous de balles te lèchent. Sur mon CD t'écouteras ma vie en bonus. Évidemment que je suis meilleur que vos rappeurs soi-disant connus. Qu'est-ce que c'est? C'est du rap, du vrai. Laisse le faire, c'est du rare, tu trouveras pas plus frais. Il a la tête dure et des textes durables. Voilà de l'air pur, c'est ce qu'on appelle du rap. Qu'est-ce que c'est? C'est du rap, du vrai. Laisse le faire, c'est du rare, tu trouveras pas plus frais. Il a la tête dure et des textes durables. Voilà de l'air pur, c'est ce qu'on appelle du rap. Qu'est-ce que c'est? C'est du rap, du vrai. Laisse le faire, c'est du rare, tu trouveras pas plus frais. Il a la tête dure et des textes durables. Voilà de l'air pur, c'est ce qu'on appelle du rap. Qu'est-ce que c'est? C'est du rap, du vrai.